À l'occasion du 22e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, les journaux et revues de divers pays ont fait des rédactions spéciales avec son portrait en sourire et ses photos. Le journal Iran News, le journal Indian and World Event, le malaisien Guangming Libao, l'ougandais Sunrise, le mozambicain Noticias et le journal du Congo démocratique L'Avenir, ainsi que la revue d'internet pakistanaise Global Affairs, ont présenté les immortels exploits du président Kim Il-sung. Par ailleurs, à la même occasion, le vice-président du Parti pour la Patrie Libre du Brésil a inséré dans le journal Hora do Povo un écrit en l'honneur des exploits impérissables du président coréen.